le trip de désillusion, le trip hallucinogène d'Amir Kadir qui s'est pris pour Martin Luther King puis Gandhi. T'as sa fille, Martine Luther King, qui s'est fait arrêter dans la maison même de Kadir. Belle famille, belle gang. Et hier, ben ça a brassé à Montréal. Puis on a vu que les policiers, pour la première fois depuis le début des histoires avec les étudiants, pour la première fois à Montréal, on a vu que les policiers avaient un plan. Et que le mot d'ordre, ça semblait être « Vous nous niaiserez pas ce soir ». Ah non, ils laissaient rien passer hier. Puis c'était plusieurs manifestations qui ont fini par se rejoindre. C'est la première, c'était l'espèce de groupe anticapitaliste. Eux autres, ils se sont fait pogner en souricière. Hey, j'ai joui hier. De voir ça hier, là, ce bout-là, là, parce que je rageais dans mon salon. Quand, encore une fois, TVA nous montre avec son hélicoptère les crottés, les babouins, les deux de pique, les anus dans le vinaigre, les crétins, les crotons, qui vont là dans un seul objectif, c'est faire de la marde. Probablement qu'ils se loadent d'une façon ou d'une autre avant d'aller à manif. C'est se crinquer, là. Puis quand je dis se crinquer, c'est pas prendre deux bières, là. Et on arrive là, on est agressif, déjà. Et là, la petite stratégie de merde de ces petits foireux-là qui commencent à changer, puis qui commencent à se déguiser. Puis là, c'est des parapluies, puis les couvertes noires, puis on s'habille en noir, puis les masques à gaz, les cocktails Molotov, les roches, les briques, les packs-sacs pleins de merde. Là, tu regardes ça, puis tu dis, bon, ils vont encore perdre le contrôle à Montréal. On les regarde faire, on fait rien. Et en dedans de deux minutes, les crottés se sont ramassés pognés avec deux rangées de policiers. Je me roulais à terre. Ça faisait du bien de voir ça.